main vite tricolore, sans la Marie-Laure, c'est de regarder le Grand Bleu. Les comédies de Michel Blanc, Bourville dans le cercle rouge. Ma vie tricolore avec Marie-Laure, qui est un vrai cordon bleu, c'est de se saigner à blanc pour des festins au vin rouge. Il y a des jours sans, il y a des jours avec, et c'est avec sans les coups sur le bec. Ma vie tricolore sans la Marie-Laure, c'est payé par carte bleue, de faire trop de chèques en blanc, de me retrouver dans le rouge. Ma vie tricolore avec Marie-Laure, c'est qu'elle n'y voit que du bleu, même si personne n'est tout blanc, qu'elle me marque pas au fer rouge. Y'a des jours sans, y'a des jours avec, et c'est vexant les coups sur le bec. Ma vie tricolore sans la Marie-Laure, c'est faire ce que je veux par bleu, de mater son carré blanc, les filles du Moulin Rouge. Ma vie tricolore avec Marie-Laure, c'est pas me faire prendre comme un bleu, ça la chaufferait à blanc et elle se fâcherait tout rouge. Y'a des jours sans, y'a des jours avec, et c'est vexant les coups sur le bec. Ma vie tricolore sans la Marie-Laure, c'est parfois se mettre bleu avec du jean ou du blanc, de finir lanterne rouge. Ma vie tricolore avec Marie-Laure, c'est d'écouter la note bleue, ou le petit cheval blanc, ou les chœurs de l'armée rouge. Y'a des jours sans, y'a des jours avec, et c'est vexant les coups sur le bec. Ma vie tricolore sans la Marie-Laure, c'est découper en zone bleue, un PV cousu de fil blanc, c'est de griller un feu rouge. Ma vie tricolore avec Marie-Laure, c'est maintenant de soigner ses bleus, de hisser le drapeau blanc, car elle m'a mis carton rouge. Y'a des jours sans, y'a des jours avec, ça y est, je le sens, le coup sur le bec.